Chapitre 2. Le sonnet. Le lendemain matin, quelques instants après le déjeuner, à l'heure de la sieste, le majordome de l'hôtel annonçait à M. Le Noël que le valet de chambre du chevalier Nello désirait remettre une lettre de son maître. Le majordome ne disait pas à qui particulièrement était adressée cette lettre. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » fit M. Le Noël assez étonné. « Qu'il entre ? » dit Armand. Le valet de chambre était en grande livrée. Il se présenta gaillardement. S'inclinant devant Fernande, il lui présenta un bouquet et, sans mot dire, avec force salut et révérence, il se retira. Monsieur Le Noël fronça le sourcil. Armand se mit à rire. « Déjà ? » fit-il. Et à Fernande, il dit « Lisez donc le sonnet. L'inévitable sonnet. Que doit contenir ce bouquet ?» Fernande était troublée. « C'est la coutume, ici, d'envoyer des fleurs et des vers aux jolies femmes, » dit Armand. « On m'en a prévenu, il n'y a pas à s'en fâcher. » Puis, prenant le sonnet, il en lut la traduction française que le chevalier Nello avait eu soin de placer à côté du texte italien. Vraiment, ce sonnet était remarquable. Nello le devait au petit abbé qui avait si bien décrit la beauté de Fernande. « Pas mal, » fit Armand. Il mit le sonnet dans sa poche de l'air du monde le plus indifférent. Il n'en fut plus question, on se sépara pour aller dormir jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Mais Armand, avant de siester, appela le majordome dans sa chambre. « Je désire savoir si ce Nello n'aurait pas des ennemis mortels, qui seraient enchantés de le voir mort ou tout au moins gravement blessé. Il s'agit de m'indiquer de personnes qui seraient enchantées de me servir de témoin contre ce chevalier Nello que je veux corriger. » Le majordome baissa la tête et dit avec la plus profonde humilité « Je suis persuadé que les chevaliers Belgioso et Fremonte, qui sont gens de bonne réputation et bien posés, seraient ravis de rendre à votre Excellence le service qu'elle demande. Et si j'osais, je... Vous vous proposeriez pour aller leur porter ma carte avec demande d'entretien ?»« Oui, seigneur. Et je suppose que vous tiendrez votre langue sur ce que vous supposez que je suis. Je le jure sous le sang du Christ. » « Contentez-vous donc de présenter ma carte, de demander rendez-vous et de dire 2 mots sur mes intentions. » Armand donna sa carte au majordome enchanté et le gratifia encore une fois. Mais il lui dit « Si ma sœur n'entend pas parler du duel avant qu'il ait lieu, je vous mettrai à même de comparer un maringo, maître Paolo. Allez !» Le maringo est un Napoléon. Nous avions oublié de dire que le majordome s'appelait Paolo. Le bonhomme se retira en bénissant dans son cœur ce saint patron, auquel il attribuait les bonnes chances de cette journée.